un ami, mais il est mort, mais il est mort. Je reverrai plus ta tête, je reverrai plus tes yeux. Maintenant, je vais seul où nous allions à deux. Veux-tu un café? Voilà du sucre, c'est autant. La chaleur de ta voix au grain que j'aimais tant. Maintenant, mais plus là, j'ai froid sans ton café. Et pourtant, malgré que tu sois mort, j'emmerde la raison et je te parle encore. Ce matin, il fait beau et je me lève heureux sous le chant des oiseaux. Ton visage m'accueille d'un sourire et nos mains qui se serrent sont promesses de rire. Accueille d'un sourire et nos mains qui se serrent sont promesses de rire.